Nouvelle scène nationale, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h, l'émission coproduite par la Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise et votre radio locale RGB 99.2. Émission animée par José Guérin, rediffusion le samedi suivant de 9h à 10h. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette émission mensuelle de la Nouvelle scène nationale, l'émission, en ce mercredi 13 mars. Aujourd'hui, nous avons pour invité Maud Lucas, qui est chargée des relations publiques à la Nouvelle scène nationale. Bonjour Maud. Bonjour. Nous aurons pour invité Joël Dragutin, metteur en scène et adaptateur de la pièce « Moi, Daniel Black ». Avec, il sera en compagnie de trois comédiens qui nous parleront de cette création. Il sera question aussi d'accueillir sur l'antenne Arthur Nosiciel, metteur en scène de la pièce La Dame aux Camélias, et enfin Michael Felippo, chorégraphe pour le spectacle Ben et Luc. Nouvelle scène nationale, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Michael Felippo, vous êtes chorégraphe. On a eu l'occasion de vous voir il y a quelques mois à la Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise avec une autre création, c'était Footballeuse. Un travail et une création autour de l'idée de la déconstruction avec le public des stéréotypes. Et on sait que dans le milieu sportif, ça existe très fortement. Aujourd'hui, vous nous proposez une nouvelle création qui a été présentée, elle, où elle a été créée en 2018, il s'agit du spectacle Ben et Luc. Alors, histoire de la rencontre entre deux hommes, un portrait croisé, voire des regards croisés avec et pour deux danseurs burkinabés que vous connaissiez avant cette création. Oui, je les connaissais même très bien. La rencontre est même le moteur de la plupart de mes pièces. Et il se trouve qu'on s'est rencontrés il y a de cela plus de 4 ans et demi maintenant. Et je les ai rencontrés parce que je menais un atelier avec eux pendant une semaine. Ils sortaient tout juste d'une école de danse au Burkina Faso, qui est menée par la chorégraphe Irène Tassembedo. Et en fait, pendant une semaine, je les ai rencontrés. À la suite de cette semaine, je leur ai dit, je ne sais pas comment on va se rencontrer, mais on va se revoir. Et puis, un an et demi plus tard, j'ai été invité sur un festival à Ouagadougou pour faire un projet avec des habitants d'une place dans le centre-ville de Ouagadougou. Et je leur ai dit que j'avais envie de reprendre l'aventure avec eux. Et c'est ce qu'on a fait pendant une dizaine de jours. Et à la suite de ces 10 jours, là, je leur ai vraiment dit, on ne peut pas en rester là, il faut absolument qu'on travaille sur un projet ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que l'étincelle, le déclenchement du projet à l'origine, c'est à partir d'un duo de femmes ou d'un duo sur la place de la femme à Ouagadougou. Ah oui. Et vous êtes rendu compte, je crois, dans un échange avec le directeur du festival, que l'idée d'un duo d'hommes aurait pu être tout à fait, ou c'est lui qui vous a dit que c'était pas possible, c'était même carrément dangereux de cette hypothèse de mettre deux duos, du moins un duo d'hommes. En effet, pour rentrer un peu plus dans le détail, comme vous le dites, à la fin de ces fameux 10 jours dont je parlais à l'instant à Ouagadougou, donc c'était sur une place qui s'appelle en effet la place de la femme, à l'intérieur de la forme collective où ils étaient une trentaine de danseurs, j'ai proposé à Ben et Luc de présenter là où on en était en parallèle du travail que nous menions ensemble. Et à l'intérieur de cette forme collective, à un moment émergeait un duo de Ben et Luc, et on travaillait alors sur un duo qui était constitué de portées très lentes, voire sensuelles. Donc ils étaient dans une extrême proximité pendant une dizaine de minutes. Et c'est suite à cela qu'en effet le directeur de ce festival m'a dit, heureusement que je ne suis pas venu voir un filage la veille, en général, sinon je t'aurais très fortement déconseillé de présenter ce duo. Et je lui demande pourquoi. Il me dit, dans un contexte, là on était vraiment dans un espace public, c'est ça aussi le contexte qui jouait énormément, ça aurait pu être en effet dangereux pour les deux danseurs, c'est-à-dire une connotation homosexuelle, pour être clair, dans un espace public à Ouagadougou. D'accord. Et c'est fort de cette observation que vous avez dit, eh bien, je relève le défi pour créer ce spectacle ailleurs. Exactement. Ailleurs, après, je suis retourné plusieurs fois à Ouagadougou et on a travaillé avec Ben et Luc, mais c'est vrai qu'on a partagé les répétitions entre la France et le Burkina Faso. La force de ce travail avec ces deux interprètes, c'est que, au-delà d'être de très bons danseurs, vous avez dit au moment de la création de ce spectacle avec eux-mêmes qu'ils ont eux-mêmes découvert des endroits plus personnels, plus fragiles qui ont émergé dans ce travail avec vous. Oui, ça c'est quelque chose qui m'importe beaucoup dans le travail en général. Là actuellement, je suis en train de terminer un solo avec un jeune garçon des quartiers nord de Marseille et j'ai envie de dire, je procède de la même manière. En tous les cas, le début du processus de travail est toujours sensiblement le même quand il s'agit d'un portrait chorégraphique seul ou d'un duo, comme c'est le cas avec Ben et Luc. Et on travaille beaucoup à partir de l'histoire des gens, de la formation des gens, de leur milieu social, de toutes ces facettes qui constituent un individu ou des individus. Et du coup, on est vraiment parti de ça. Et c'est vrai que là, je viens de nommer la notion de portrait concernant le duo Ben et Luc. C'est vrai que vous parliez tout à l'heure de portrait croisé. C'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que les gens, qu'ils soient de très bons danseurs comme en effet Ben et Luc, comme c'est le cas pour Ben et Luc, ou qu'ils aient une histoire ou une personnalité très spécifique, on travaille à partir de qui ils sont. C'est-à-dire que les gens, en l'occurrence Ben et Luc, sont vraiment sur le plateau pour dire je et pour porter le poids de leurs propres paroles, de leur propre histoire. Au-delà des interprètes, il est question d'amour, de complicité, de virilité, d'amitié entre deux hommes, entre ces deux hommes, mais il est question également de dualité, de confrontation. Là, vous jouez sur, on va dire, le fil tendu entre hétérosexualité et homosexualité ou pas du tout ? Pas vraiment. On a plutôt travaillé sur toutes les relations, en effet, que vous résumez très bien en quelques mots, c'est-à-dire sur tout le panel de relations qu'ils peuvent entretenir entre eux, donc qui est une relation, en effet, amoureuse, fraternelle, de rejet aussi, de tout ce qui constitue, en fait, leur relation, parce que ce sont deux très bons amis dans la vie, ils se sont rencontrés dans cette formation et depuis ils travaillent énormément ensemble, ils se voient en dehors du travail, donc on a vraiment travaillé sur toutes ces facettes. Après, de là à dire qu'on a travaillé sur la relation entre hétérosexualité et homosexualité, je pense que c'est bien plus complexe que ça. On n'est pas défini simplement par rapport à une orientation sexuelle. Et il se trouve que voilà, on a plutôt travaillé sur tout ce qui constitue les différents liens, les différentes strates de relations qu'ils entretiennent. Et c'est plutôt sur ça qu'on a travaillé, plutôt que de résumer ça à de l'hétérosexualité mêlée à de l'homosexualité. Je pense que c'est beaucoup plus complexe et on est allé beaucoup plus loin que ça. Mmh. Alors, tout cela nous amène effectivement entre danse traditionnelle et danse contemporaine. On pourrait s'attendre au travers du propos et surtout des interprètes à, on va dire, une immersion dans la musique africaine. Et je crois savoir que l'importance de la musique dans ce spectacle est vraiment rappelée sans pour autant être dans de la musique africaine. Alors, en effet, quand on dit danse africaine, c'est un spectre qui est très large. Je parle de la danse parce que du coup vous venez de l'évoquer. En effet, ils ont une formation de danse traditionnelle africaine et aussi une formation en danse contemporaine africaine. Et donc on est vraiment parti de ce qu'ils sont, de ce qu'ils portent, de leur histoire aussi, avant même de commencer à suivre une formation de danse et d'être interprète. Et les choix musicaux sont aussi à ce même endroit, c'est-à-dire que on est parti de ce qu'ils écoutent, de ce qui les constitue, de ce qui a été aussi important dans leur trajet. Mais voilà, et il est question en effet de danse traditionnelle dès le départ de la pièce et également à la fin, mais une danse traditionnelle qui les décadre un peu plus que la danse traditionnelle africaine. Mmh. J'ai lu un extrait de presse pour parler de votre spectacle et effectivement qui revient sur cette partition musicale qui peut surprendre. Il est dit la chose suivante, une chorégraphie d'une retenue extrême et d'une élégance folle, portée, enroulée d'une douceur et d'une lenteur infinie, pas suspendue d'une parade amoureuse jusqu'à cet amour déclaré par deux doigts enlacés grâce à une danse bretonne chantée par Alain Stivell. Donc ça m'a quelque peu surpris. En effet, c'est un choix que j'ai fait à un moment de. Comme on est aussi. Enfin, c'est assez révélateur du processus qu'on a suivi. Je disais, du coup, j'évoquais le début du processus tout à l'heure. En fait, Quand je commence à travailler avec des personnes, ce que j'aime vraiment, c'est que ce soit aussi un rapport horizontal. Et du coup, avec Ben et Luc, on a également procédé de la sorte. C'est-à-dire que ils m'ont autant fait travailler que je les ai fait travailler au tout début du travail. Et du coup, on a été amené à un moment à se transmettre des danses. Et ils m'ont transmis des danses traditionnelles et je leur ai transmis des danses traditionnelles. Il se trouve que je ne suis pas breton, mais j'ai été associé au Quartz, la scène nationale de Brest, et je dirige aussi un festival depuis 10 ans qui s'appelle À domicile, dans un petit village dans le Finistère Nord. Et je pense que la culture bretonne m'a un peu imprégné. et c'est pour ça qu'on a été amené à un moment à partager donc ces danses. Et à un moment, j'ai fait ressurgir cette part de ce qui a été constitutif de notre relation dans le travail avec Ben et Luc. Et en effet, on termine sur un moment un peu étonnant. Complexité de la relation et de cette belle rencontre à découvrir sur scène, comme il a été dit, se laisser emporter par la sensualité, par beaucoup d'émotions, je pense, pour avoir lu des critiques dans ce sens. C'est une représentation unique à découvrir le 10 avril prochain à 20h30 au Théâtre 95 à Cergy Grand Centre. C'est une création qui est présentée également dans le cadre d'Escaldance dans le département du Val-d'Oise, puisque vous allez être accueillis sur d'autres villes dans le département du Val-d'Oise à cette occasion. Je pense à la ville d'Aubonne et Beson pour le théâtre Paul-Éluard. Exactement. Merci Michael Felippo, à bientôt sur Cergy Pontoise. Merci. Merci beaucoup à vous. Ona kimasi ni suma. Nouvelle scène nationale, l'émission, sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Prochainement à l'affiche, moi, Daniel Bleck, avec au micro Joël Dragutin, metteur en scène et adaptateur de cette pièce. Trois comédiens en sa compagnie, Jean-Yves Duparc dans le rôle de Daniel Bleck, Stéphanie Lanier dans le rôle de Sheila, conseillère au Pôle emploi et tenant d'autres rôles aussi dans cette pièce. Et enfin, Sophie Garmillas qui joue le rôle de Cathy. Alors peut-être d'abord démarrons par Joël Dragutin. La question, ce qui paraît effectivement indispensable, voire incontournable. Pourquoi et qu'est-ce qui vous a décidé d'adapter ce film? Parce que c'est d'après le film de Ken Loach, qui a obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes, c'était en 2016. Et le fait de s'attaquer à un monstre sacré du cinéma, c'est un film qui a été effectivement, qui a obtenu cette Palme d'Or, ça pourrait intimider tout metteur en scène qui se respecte. C'est le cas pour moi aussi, je suis intimidé bien évidemment par le fait de monter ce monstre sacré. Voilà, en fait, Ken Loach, je l'avais rencontré il y a une dizaine d'années. Il était venu à Cergy-Pontoise lors des échanges que nous organisions, on était à 95. Il avait passé une semaine avec nous, il avait été charmant. Et puis, là, maintenant que je suis compagnon en résidence, j'avais pas le temps d'écrire une nouvelle pièce, et donc je cherchais un auteur. Et à force de discuter, comme ça, avec Jérôme, mon dramaturge, et on a choisi, il m'a dit, pourquoi, t'adores Ken Loach, pourquoi tu le ferais pas? Et je dis, bah oui, pourquoi pas Ken Loach? Et au départ, moi, je pensais plutôt à un film ancien. Je pense à Family Life ou des films anciens de Ken Loach. Puis je me dis, bon, monter un film d'aujourd'hui, ça n'a pas de grand intérêt puisque les gens peuvent le voir. Et puis finalement, il m'a convaincu qu'il fallait monter plutôt effectivement celui-là, donc le plus récent. Et effectivement, c'est un très très beau projet. C'est un film bouleversant. C'est d'une actualité très très pertinente aujourd'hui, quoi. Et même plus pertinente que je l'imaginais au départ, puisque maintenant, il y a avec les nouvelles lois Macron sur le chômage et les demandeurs d'emploi, et ben, malheureusement, c'est un film et une pièce donc qui vont d'une terrible actualité. Alors, adapter cette pièce, vous venez d'en donner une des raisons. Nous, on vous connaissait sur Cergy-Pontoise et au-delà de ce territoire pour vous intéresser aux mythes contemporains, aux mythologies contemporaines plus précisément, aux langues de bois, à la novlangue, toutes les problématiques qui se concentraient plutôt sur la classe moyenne. Là, avec l'univers de Ken Loach, c'est plutôt le monde ouvrier qui est très directement concerné. Oui, tout à fait, mais ça, je rejoins un peu mes premières amours, puisqu'au début de ma carrière, d'auteur et de metteur en scène, je travaillais beaucoup sur la condition ouvrière. J'ai monté des gens comme Kreutz, comme Brecht et d'autres, voilà, sur le théâtre du quotidien. Et puis après, progressivement, j'ai évolué sur les mythologies contemporaines à travers la classe moyenne, celle qui est la plus porteuse des mythes. Et puis là, je reviens donc en fait à ma prime jeunesse en montant un spectacle qui parle vraiment du prolétariat d'aujourd'hui, quoi, et qui me semble vraiment d'une terrible actualité. Quand il suffit de voir l'actualité sociale permanente tous les samedis et même tous les jours de la semaine. Pour autant, vous n'avez pas, on va dire, adapté cette pièce pour la rapprocher de nous, c'est-à-dire dans la réalité française. Vous êtes resté dans la problématique d'origine, à savoir dans le contexte plutôt d'origine, à Newcastle, au nord-est de l'Angleterre, pas seulement connu pour son club de foot, pour ceux qui nous écoutent, mais pour une situation sociale toute particulière qui nous rappelle quand même la dureté sociale et politique que les Anglais ont connu depuis de nombreuses années, je serais tenté de dire depuis de nombreuses décennies, car on a tous en tête et en mémoire, dans cette région de Newcastle comme ailleurs, Margaret Thatcher et bien, son héritage. Bien évidemment. Mais malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'une grande actualité aussi en France. Donc je n'ai pas voulu transposer, je veux dire, en France, parce que par égard pour Ken Loach, et puis le public est assez intelligent pour voir effectivement ce qui correspond à lui et ce qui ne correspond pas. Mais malheureusement, je veux dire, je crois que la plupart, l'ensemble du texte correspond à ce que nous vivons les uns et les autres. Donc c'est pas parce qu'il y a Livre Sterling ou il y a Newcastle ou Londres que on ne comprend pas de quoi il s'agit, quoi. Différentes étapes d'une descente en enfer. Vous avez indiqué dans une interview, je crois savoir, ou dans le dossier de presse, pour être plus précis, nous sommes tous des Daniel Bleck en devenir. De quoi devons-nous nous inquiéter et pourquoi une telle affirmation ? parce que de plus en plus on voit effectivement la disparition des services publics, parce que de plus en plus on voit la disparition de l'État au profit d'un système qu'on appelle le libéralisme et qui n'a que de libéral que le mot, puisque de toute façon s'il s'agit de profit, il s'agit de capitalisme. C'est une autre façon de parler en fait d'une réalité économique et sociale. Donc en fait ça veut dire que en dehors d'une petite poignée de privilégiés, on est tous à moyen terme condamnés à subir finalement les affres de ce système profondément inhumain et inégal. Quoi. Sur scène, 7 interprètes, c'est ça, 4 hommes, 3 femmes. Oui. Dans le rôle de Daniel Bleck, Jean-Yves Duparc qui est avec nous. Alors bonjour. Bonjour. L'occasion peut-être de nous présenter, de nous décrire ce personnage qui n'est pas forcément connu de tous, puisque tout le monde, même si on apprécie le cinéma de Ken Loach, tout le monde, hélas, n'a pas eu l'occasion de voir ce film-là. Comment parler de Daniel Bleck, personnage central, incontournable dans la pièce ? Daniel Bleck, c'est un ouvrier et c'était quelqu'un qui a les valeurs du monde ouvrier, c'est-à-dire pour lui, il a l'amour du travail bien fait, de la qualification professionnelle, le sens de la fraternité avec ses camarades d'atelier. Ce sont des valeurs humaines et des valeurs fondées sur le savoir-faire. Voilà. Et il se trouve confronté à un système où tout ça est démonétisé, dévalorisé, et où on l'oblige à jouer une espèce de jeu plus ou moins de savoir se vendre. Il y a toute une scène à Pôle emploi où on lui demande de se vendre comme des savonnettes, quoi. Donc c'est pas du tout ses valeurs à lui. Il est complètement déphasé par et en plus il est aussi déphasé par cette espèce de technologie envahissante avec les ordinateurs. Il est très très malhabile avec tout ça, voilà. Et donc c'est une descente aux enfers, parce que pour ces personnes là pour qui ont des valeurs de travail et d'humanité, ce monde dont parlait Joël, ce monde libéral, ils n'ont pas leur place. Et ils sont condamnés, on pourrait dire, à mort, d'une manière ou d'une autre, à disparaître. Voilà. On peut peut-être déjà, dès maintenant, partager un extrait de cette pièce pour nous rendre compte, effectivement, de l'univers et de la réalité sociale vécue par Daniel Bleck. Et avec cette mise en garde qui nous est rappelée par Joël Dragutin ici il y a quelques instants, nous sommes tous des Daniel Bleck en devenir. Attention, prenons garde. Extrait. Nous sommes à Pôle emploi, donc Daniel Bleck est reçu par la spécialiste des chômeurs, qui va lui expliquer ce qu'il doit faire. Monsieur Bleck, je vous en prie, asseyez-vous. Alors monsieur, voici le formulaire d'engagement du demandeur d'emploi. Vous devez vous engager à passer 35 heures par semaine à rechercher un emploi. Ça peut être par les journaux, les agences ou en ligne sur le site indiqué sur cette page. Vous devez remplir cette partie-ci pour prouver que vous recherchez réellement un emploi. D'accord, mais mon médecin m'a formellement déconseillé de reprendre le travail tout de suite. Alors vous devriez plutôt demander à percevoir une pension d'invalidité. Je l'ai fait, mais un incapable a décidé que je n'y avais pas droit, alors j'essaie de faire appel. Très bien, d'accord, c'est votre choix, monsieur Bleck. Mais quel choix ? Non, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas d'autre revenu si je ne touche pas cette somme. Eh bien, vous devriez vous adresser à un conseil juridique indépendant. Et en attendant, je fais quoi ? Je crève de faim ? Dans la mesure du possible, nous essayons de respecter les souhaits des usagers. Bon, vous décidez de signer, oui ou non ? Vous n'avez qu'à apposer votre signature ici, j'ajouterai la date plus tard. D'accord. Merci. Vous pouvez me montrer votre CV ? Mon CV ? Vous ne comprenez toujours pas, monsieur Bleck ? Ceci est un contrat officiel entre l'État et vous. Vous ne trouverez jamais un emploi sans un CV mis à jour. Mais non, mais c'est vous qui ne comprenez pas. Je veux retourner bosser, j'en crève. Je suis prêt à tout pour retrouver du travail. Mais seulement quand mon médecin me dira que je peux reprendre. Mais si vous voulez reprendre le travail, vous devez très vite remettre votre CV à jour afin d'améliorer votre recherche. Alors attendez un instant, il existe un atelier CV auquel je souhaiterais que vous assistiez. Il y en a un ce samedi matin à 9h. Non, merci, ça ira. Je vais me débrouiller tout seul. Non, monsieur Bleck. C'est une formation obligatoire. Vous devez y assister si vous voulez bénéficier de l'allocation demandeur d'emploi. Et qu'est-ce qui se passe si je n'y vais pas ? Eh bien, on vous signalera et vous encourrez une sanction. Et quand est-ce que je toucherai mon premier versement ? Dans 15 jours. Si vous pouvez prouver, selon nos critères, que vous avez recherché un emploi de façon active. Oui, ça rappelle et ça fait écho carrément à toute situation qu'un jour ou l'autre, lointainement mais encore peut-être plus récemment, ce nombre de demandeurs d'emploi ont vécu au Pôle emploi ici ou ailleurs. Menaces de sanctions financières, radiations, activités en contrepartie des allocations chômage. Oui, c'est l'évolution qui se prépare. C'est l'ultralibéralisme qui n'a plus de limites, Joël Dragutin. Ben oui, c'est la nouvelle loi qui est parue sur les chômeurs en France, là, pour l'emploi France, le 28 décembre. Donc c'est un peu curieux de faire voter cette loi entre le Noël et le Nouvel An, mais enfin, je pense qu'il y avait une dimension un peu stratégique là-dedans. Et en fait, il y a un article du Monde diplomatique qui dit « Quand M. Macron s'inspire de Ken Loach pour mettre en place effectivement ce nouveau cadre pour les chômeurs ». Et c'est exactement le texte qui est dans le film et dans la pièce. Spectacle qui s'assume comme étant un spectacle politique. Vous avez dit c'est pour vous, il y a pour moi, pardon, dans cette histoire, tous les éléments d'une tragédie classique, préciser votre idée. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, plutôt qu'effectivement de faire un sous-film ou une imitation du film de Ken Loach qui est magnifique et qui est un très beau une œuvre d'art cinématographique, j'ai choisi finalement de prendre un parti pris résolument théâtral avec un plateau dépouillé, avec le corps des acteurs, la voix, le rythme, la dimension musicale aussi du texte. Finalement, les options de tragédie contemporaine. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une structure qui est très très proche de la tragédie classique, sauf qu'elle est adaptée à des sujets éminemment contemporains. Une création, car il s'agit de votre nouvelle création, qui sera l'affiche du 11 au 19 avril prochain, au Théâtre des Arts à Cergy Grand Centre, à l'affiche de la nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise et du Val d'Oise. Le risque, j'imagine, à éviter dans un travail comme celui-ci, c'est de tomber dans la caricature. Est-ce que c'est un risque? Oui, bien évidemment, c'est comme au théâtre toujours, mais non, je crois qu'en fait on a préservé avec Sophie, avec Jean-Yves, avec Stéphanie et les autres une dimension d'authenticité. Moi je me bagarre tous les jours avec les acteurs pour qu'effectivement on soit dans la sincérité, dans l'authenticité et puis dans le respect finalement de ces personnages. Et donc la moindre des choses, c'est effectivement de prendre en compte leur réalité, leur identité au plus profond d'eux-mêmes, quoi. Vous nous proposez un deuxième extrait, oui, pour extrait. Entendre cette langue et surtout et bien pour comprendre effectivement cette situation qui n'est pas particulière à l'Angleterre au travers effectivement de cette situation qui est localisée du fait de la référence au film de Ken Loach, mais ça peut se produire partout ailleurs et en particulier chez nous. Le film de Ken Loach et de Paul Laverty, qui est son scénariste historique, et donc c'est le scénario, c'est et de Paul Laverty, et Ken Loach l'a retravaillé au cinéma. Là, c'est une autre scène qui se passe toujours à Pôle emploi, mais avec Cathy, qui arrive dans les locaux avec ses deux enfants et qui vient de Londres. Je dois signaler que vous êtes arrivé à votre rendez-vous avec un retard de 30 minutes. C'est trop tard et maintenant je dois vous demander de quitter mon bureau. D'accord. Et vous allez me sanctionner, c'est ça? Non, je ne vais pas vous sanctionner. Je vais en référer au décisionnaire qui décidera s'il faut prendre la décision de vous sanctionner ou non. Et j'aurai pas d'argent pendant un mois? Mais c'est n'importe quoi, n'importe quoi! Ce n'est pas moi qui prends la décision, c'est le décisionnaire qui décide. Et vous aurez 40% en moins sur vos allocations. Oui, je sais comment ça marche. Pas la peine de m'expliquer, je suis au courant. Bah, très bien, c'est tout ce qu'on peut faire pour vous aujourd'hui. Donc maintenant, ce que je vous demande, c'est de quitter mon bureau. Non, il y a des tas de choses que vous décidez toute seule. Vous avez le choix et vous me collez une sanction, c'est nul. Je n'ai pas le choix, c'est le règlement. Si vous continuez à vous montrer agressive avec moi, je vous demanderai de bien vouloir quitter ce bureau. Il ne s'agit pas de savoir si je suis agressive avec vous. J'essaye de vous expliquer ma situation, mais vous vous en foutez. Bon, je vous demande de vous en aller, ça suffit maintenant. Je sais pas pourquoi des gens comme vous font ce boulot. Sécurité ? Sécurité ! Venez les enfants. Je vais en référer au décisionnaire, c'est le décisionnaire qui décidera. Je ne peux plus vous entendre répéter toujours la même chose. Je vous demande pardon. Non, non, ça va, c'est bon, j'ai compris, ne me touchez pas, je veux voir le responsable. Vous, j'ai plus rien à vous dire. Dylan, arrête ça, ça suffit. Dylan, j'arrive pas à réfléchir. Oui, une fatalité qui nous parle à nous tous, effectivement, et encore une fois, ça fait, comme je disais tout à l'heure, écho non seulement à ce que les demandeurs d'emploi se connaissent aujourd'hui, parce qu'on on rend quasiment responsable chômeur du chômage dans un pays comme la France ou dans d'autres pays comme l'Angleterre. Oui, parce qu'en fait, ce système-là part du principe effectivement qu'un chômeur en fait est d'abord un travailleur potentiel, même s'il est malade, même s'il est handicapé, même s'il est à 300 bornes de chez lui. Et puis en plus, il est doublé souvent d'un fraudeur, d'un malin, d'un type qui spécule ou d'une femme qui spécule pour avoir des indemnités sans contrepartie. Et donc c'est cette guerre aux pauvres et cette guerre aux chômeurs qui est totalement scandaleuse. dangereuse. Mais en fait, c'est un système qui inclut dans sa logique, finalement, un volant incompressible de chômage. Donc tout le problème, effectivement, comme le dira Blake dans une des scènes, c'est de rier des statistiques, ce nombre de chômeurs, et puis d'éviter, effectivement, de dépenser trop d'argent en indemnité. Jean-Yves Duparc, le fait de jouer ce rôle de Daniel Blake, c'est aussi, comme je le disais, revisiter l'univers et le cinéma de Ken Loach. Quel effet ça vous fait en tant que comédien, en tant qu'acteur? Est-ce qu'on a, effectivement, au-delà de la considération qu'on peut avoir pour le cinéaste, est-ce qu'il y a effectivement une forme de, on va dire, de timidité par rapport à un texte comme celui-ci? Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Par rapport à Ken Loach, moi, ce que je retiens de lui, et ce qui m'a nourri dans ses films, c'est sa profonde humanité. Et c'est cette espèce de c'est ce que recherche Joël, cette espèce d'humanité en chaque acteur, en chaque comédien, qui doit transparaître. Après, sur le fait que le rôle a été déjà joué magnifiquement par l'acteur qui interprète Blake dans le film, au départ, évidemment, j'étais plus qu'inquiet, j'étais paniqué, mais Joël m'a tout de suite rassuré parce que les partis pris dramaturgiques sont totalement différents, et donc les codes de jeu et même le personnage lui-même dans sa, comment dirais-je, il fait référence plus à, je dirais, à une tradition populaire du cinéma français, si on peut appeler comme ça, qu'à véritablement en même temps dans quel autre, c'est du théâtre documentaire, c'est un reportage, si vous voulez, hein. Tandis que là, c'est du théâtre, c'est une tragédie, c'est autre chose, c'est un autre univers, c'est une autre dimension, et donc c'est d'autres codes de jeu. Et pour l'acteur, on se sent parfaitement libéré par rapport à ça. On est plus proche de Sophocle, finalement, que du cinéma. Quoi. Sans révéler la fin, pour garder suspense et un peu de mystère autour de cela, est-ce qu'il y a quand même une lueur d'espoir? Difficile. Oui, dans la lutte, et puis dans peut-être le personnage de Cathy, quoi. Il y a de la résistance. D'abord, il y a de la résistance, mais après, bon, c'est vrai que quand on voit, c'est Cathy qui porte le plus la lueur d'espoir. Le personnage de Daniel se bat, mais bon, malheureusement, il bat contre un système général, quoi. Donc, c'est pas simple. On aura l'occasion d'en savoir davantage au moment où ce spectacle sera sur scène, à l'affiche du 11 au 19 avril prochain, au Théâtre des Arts à Cergy-Grand-Centre, à l'affiche de la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, et spectacle qui sera aussi à découvrir à l'occasion du prochain festival d'Avignon. Vous serez programmé dans le festival OFF au Théâtre des Halles à Avignon du 5 au 28 juillet, en une coproduction, ce compagnie Joël Dragutin et nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise. À 16h30, à Avignon, tous les jours. Merci à vous quatre. Merci. Et nous qui vous remercions.

Voilà, toutes les personnes qui auront envie de voir le résultat de ce beau projet pourront soit appeler, soit venir le soir même assister à ces représentations. Les Melting Pot 2019, eh bien, notez bien les dates, retenez, du 2 au 4 avril prochain, avec en effet des chiffres impressionnants, oui. Puisqu'on parle de 840 élèves sur deux jours, une quarantaine d'enseignants mobilisés, 28 artistes en danse, théâtre, qui vont apporter leur savoir et leurs compétences et leur rapport à la scène et au spectacle. Merci beaucoup, Maude Lucas. Merci. Nouvelle scène nationale, l'émission, sur RGB 99.2 et radio-rgb.net. Il est temps de conclure cette émission, mais non sans vous rappeler les spectacles que nous vous avons présentés aujourd'hui. Il a été question de danse avec Ben et Luc de Michael Felipos le mercredi 10 avril à 20h30 au Théâtre 95 à Cergy Grand Centre, de théâtre avec la création Moi Daniel Black d'après le film de Ken Loach sur une adaptation et mise en scène de Joël Dragutin à découvrir du 11 au 19 avril au Théâtre des Arts à Cergy Grand Centre, du théâtre également avec La Dame aux Camélias d'après l'œuvre d'Alexandre Dumas-Fils sur une mise en scène d'Arthur Nosiciel les 18 et 19 avril au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Et enfin, les Melting Pot 2019 avec la participation de 840 élèves, oui, vous avez bien entendu, à partager sans modération du 2 au 4 avril prochain au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Pour toute information et pour toute réservation concernant ces spectacles et les autres, pour les tarifs, les abonnements et les deux passes pour les jeunes, vous composez le 01 34 20 14 deux fois, 34 20 14 14, ou vous retrouvez toutes ces informations sur internet au www.nouvellescenenationale, tout attaché en un seul mot, nouvellescenenationale.com. Remerciements à tous nos invités, ainsi qu'à Arnaud Vasseur qui m'a aidé à préparer cette émission. Remerciements également à Damien Gissa pour la réalisation technique, assisté aujourd'hui de Florian Carrier, actuellement en stage à RGB. Cette émission sera rediffusée le samedi 16 mars de 9h à 10h sur RGB, sur le 99.2 FM ainsi que sur radio-rgb.net et sera ensuite disponible en podcast à cette même adresse. Votre prochain rendez-vous avec la nouvelle scène nationale, l'émission, c'est pour le mercredi 10 avril prochain de 19 à 20h sur RGB sur 99.2. D'ici là, au plaisir de vous retrouver à la nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise et bien sûr à l'écoute de votre radio locale RGB 99.2 FM et sur radio-rgb.net. À bientôt. Nouvelle scène nationale, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h, l'émission coproduite par la Nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise et du Val d'Oise et votre radio locale RGB 99.2. Émission animée par José Guérin, rediffusion le samedi suivant, de 9h à 10h.